بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله سورة الهمزة وهي مكية بلا خلاف Donc, surat al-Humaza, surat makkiyatun bila khilaf. Donc, surat al-Humaza, c'est une surat qui a été révélée à la période ou durant l'ère mécoise. Wa inda qawlihi waylun ay wa'idun. Waylun, c'est un mot qui sous-entend la menace. Waylun ay wa'idun. La menace. Wa'idun. Waylun wa'idun. Yani la menace. Wa inda qawli subhanahu wa ta'ala humazatin ay mukhtabin. Ay mukhtabin. C'est-à-dire celui qui médit. Hein? Waylun li kulli humazatin. Médi. Ouais, celui, voilà, celui qui fait la médisance. Là. Ah, ok. C'est bon. Celui qui fait la médisance. Là. Celui qui commet une médisance. Taïb. Wa lumaza. Yani, inda qawli lumaza. Al-lamz huwa kal-ghamz fil-wajh. Bifik. Bikalam min khafi. Donc c'est comme un signe que tu fais à une personne, soit avec ta bouche, avec en disant une parole khafi. Maintenant, tu veux te moquer d'une personne, tu vas faire faire bouger tes lèvres vers quelqu'un. Par exemple, je parle avec Mohamed et je veux me moquer de musulman. Maintenant, ayadun billah. La kina fait ça. عرفت هذه يعني مما ذكر في الآية أنه حرام نعم donc le fait de faire un signe à une personne c'est-à-dire par la bouche بكلام خفي avec une ça rentre dans la médisance نعم voilà أصلاً voilà. نعم. أصلاً المسألة يعني هي خلافية بين العلماء في تفسير الهمزة واللمزة. بعضهم قالوا الهمزة واللمزة بمعنى واحد. Certains ont dit que الهمزة واللمزة ça a le même sens. C'est celui qui médit, que ce soit par sa parole ou par son fer. Naam. Et Cheikh Al-Uthaymin, comme on va le voir, il voit que le sahih, c'est que c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que le humaza, c'est celui qui va médire, mais avec ses gestes. Par exemple, il peut faire un signe de l'œil. Il se moque d'un tel qui est là, il va te regarder avec un éveilleur. Tu vois ? Hadi ishara. فهمتم؟ وانظر إلى يعني بلاغة القرآن إلى حتى يعني إلى هذا الحد حرم الله عز وجل هذه الأفعال التي كثير ما يحصل بين أهل السنة فضلا عن غيرهم. Et pourtant c'est des œuvres qui sont répandues au milieu des gens de la Sunna. Alors que quand dire يعني de la totalité des musulmans. Ayadan billah, qu'Allah nous en préserve. Naam. Taïb, et donc, Cheikh Al-Uthaymin, il explique que Al-Lumaza, c'est celui qui médit avec sa langue. Naam. Donc, l'autre, il médit avec ses œuvres, et l'autre, avec sa façon d'agir, et l'autre, il médit avec sa langue. Naam. Mais, Inch'Allah, c'est un aqra min kalam Cheikh Al-Uthaymin, hatta takoun awdah. نعم. طيب، وعند قوله جمع جمع مالا، جمع مالا أي ركمه بعضه على بعض، c'est-à-dire il l'a accumulé et il l'a entassé. C'est-à-dire il a entassé son argent en l'accumulant. نعم. جمع مالا وعدده. جمع ماله أي c'est-à-dire il l'a accumulé et l'a entassé. طيب وعدده ما معنى وعدده؟ نعم أحصى أحصى عدده أو عدده أحصى عدده c'est-à-dire il a compté son nombre يعني le nombre de son argent. وشيخ العثيمين عند هذه يعني آيات له تفسير جميل، له تفسير جميل سنقرأه إن شاء الله. طيب وعند قوله يحسب أي يظن، يظن يحسب أي يظن c'est-à-dire il pense. وعند قوله أخلده يجعله خالدا أي يجعله خالدا في الدنيا لا يموت. الشيخ أبو عمر يميل إلى أن معنى الآية هذا. Donc Cheikh Abu Amr il penche يعني il est plus de la vie que le sens de ce verset. يعني ماذا يحسب أن ماله أخلده c'est-à-dire il pense que son argent va le rendre immortel ou va le faire vivre éternellement. نعم. وكما سنمر أو كما سنقرأ من تفسير العثيمين هناك أقوال طيبة غير هذه. طيب لا ينبذن ما معنى لا ينبذن؟ لا ينبذن أي لا يطرحن يعني يبقى يتجوتي. نعم لا ينبذن c'est-à-dire il sera jeté. الحطمة وعند قوله الحطمة أي النار لأنها تحطم ما يلقى فيها. الحطمة c'est-à-dire le feu car تحطم c'est-à-dire elle détruit toute chose qui est jetée. نعم. الموقدة الموقدة أي المسعرة c'est-à-dire la fournaise. الموقدة c'est la fournaise. وعند قوله يعني الأفئدة ما هو jusqu'à la tête الأفئدة القلوب جمع يعني ماذا الأفئدة جمع فؤاد. نعم والفؤاد هو القلب. نعم طيب الأفئدة القلوب c'est-à-dire les cœurs. وعند قوله مؤصدة أي مطبقة، مطبقة c'est-à-dire fermée. مؤصدة مطبقة أي fermée. نعم وعند قوله عمد أي جمع عمود وهو كل مستطيل من خشب أو حديد. إذن عمد العماد لبليه سي معروف سي يعني عمد هو جمع عمود سي لو بلوريال دو عمود لو بليه. نعم qu'il soit en bois ou en fer. نعم نعم بقي وعند قوله ممددة نعم ممددة أي مؤصدة مطبقة بعمود ب نعم بس كأنه ما لا إلى هذا التفسير خلاص طيب نعم وعند قوله ممددة أي مؤصدة مطبقة بعمد مدت عليها Donc lui il dit que yani, ces piliers, ou plutôt ce feu, est fermé, c'est-à-dire c'est une fournaise qui est fermée, ceux qui sont dedans ne peuvent pas en sortir, et que ces piliers, les piliers de cette fournaise, ils l'entourent, c'est-à-dire ça, de manière à ce que personne ne puisse en sortir. Naam. طيب هذا ما ذكر شيخ أبو عمرو وأحببنا أن نقرأ من تفسير الشيخ العثيمين لأنه أبدع فيه وأجود نعم طيب والشيخ العثيمين يقول عند قوله ويل يعني ويل لكل همزة لمزة ويل وهي كلمة وهي كلمة وعيد donc c'est un mot qui a pour but la menace اي انها تدل على ثبوت وعيد لمن اتصف بهذه الصفات c'est-à-dire qu'elle indique la menace pour celui la menace qui va tomber sur celui qui se caractérise par ses caractéristiques همزة لمزة إلى آخر الآية يعني استدير لكاركتيريستيك إيفوكي دون ست سورات وقيل إن ويل اسم لواد في جهنم ولكن الأول أصح دونك إلا يتدي aussi que le mot ويل c'est une plaine qui se trouve dans en enfer c'est un mot qui se trouve en enfer. Mais Cheikh Al-Uthaymeen il dit le premier sens est le plus juste. C'est-à-dire, le premier sens, c'est quoi ? Wa'id, eh na'am. Que c'est une menace, un mot utilisé pour indiquer la menace. Taïb. Wa'inda qawlihi li kulli humazatin lumaza. Kullu man, na'am, ou kull كل من صيغة أو من صيغ العموم. donc le mot ou la lettre كل en arabe elle indique la globalité. نعم. فالهمزة واللمزة وصفان لموصوف واحد. donc là toute personne. طيب donc toute personne qui a cette caractéristique rentre dans ce ayah, dans ce verset. Naam. Taïb qala, kul min siyagh al-umum. Wal humazatu wal lumaza wasfan li mawsuf wahid. Fa hal huma bi ma'na wahid aw yakhtalifan fi al-ma'na. Donc Cheikh Al-Uthaymeen pose la question, est-ce que al humaza wal lumaza ils ont le même sens ou ils divergent sur leur يعني leur sens diverge. قال بعض العلماء إنهما لفظان لمعنى واحد. Donc certains ils ont dit que c'est le يعني un mot ou ces deux mots qui ont le même sens. يعني أن الهمزة هو اللمزة. C'est-à-dire que الهمزة c'est le lumaza. وقال بعضهم بل لكل واحد منهما معنى غير المعنى الآخر. Donc et certains d'autres ils ont dit que chacun de ces mots il a un sens qui n'est pas celui de l'autre. نعم. إلى أن قال والصحيح في هذه الآية لكل همزة لمزة أن بينهما فرقا. C'est-à-dire l'avis le plus juste c'est que entre les deux mot, il y a une séparation dans le sens. فالهمزة بالفعل واللمزة باللسان كما قال الله سبحانه وتعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. نعم. Donc, comme Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué dans Surat At-Tawbah, et parmi eux, il y en a qui te diffament par leur langue. C'est-à-dire, lorsque tu donnes en aumône. Si tu leur donnes, ils sont exagrés, et si tu ne leur donnes pas, ils s'énervent. Na'am. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a employé le mot « lams ». Yani, من يلمزك نعم ثم قال والهمزة بالفعل يعني أنه يسخر من الناس بفعله إما أن يلوي وجهه donc الهمزة c'est-à-dire il se moque des gens en faisant une certaine action ça c'est soit يلوي وجهه c'est-à-dire il tourne يعني son visage il change pour se moquer d'une personne, ou soit il le fait par sa langue. Donc s'il le fait par son visage, ça, il rentre dans quel mot ? Humaza. Et s'il le fait par sa langue ? Lumaza. Hein ? Moi j'avais compris le contraire. Moi aussi. Moi, j'ai écrit l'humaza, c'est celui qui fait de la médisance, et l'humaza, c'est celui qui fait une moquerie. Moi, ce que j'ai compris, c'est que... Le humaza, celui qui fait avec le fi'l. Humaza, voilà. Humaza. L'humaza, c'est avec la langue. Tamam. C'est-à-dire, la médisance, c'est aussi avec les gestes. Oui, tu peux faire de la médisance avec les gestes. Non. Tu peux faire de la médisance avec les gestes. Il suffit que, par exemple, tu indiques, par exemple, tu fasses comme ça. Lui, il est, t'as un frère, il est là maintenant. Ou un tata, t'as mal les wahed, t'as roulé. Yanni, bimana, on dort, hada, ta'ban ou la madrish. Haraf, fakullu hada, yanni, haram. Bel, tahrimu, shadid. Kama se yamour bina. N'aim. Taïf, al-humaza, bil-fi'l, wal-lumaza, bil-lisan. على القول بأن بينهما فرق. Ça c'est selon la parole que il y a entre les deux un فرق. Sinon il y a d'autres savants qui ont dit هذا وهذا. Ça c'est يعني بمعنى واحد. اللمس قولا. هي بالقول. Et non. Toi tu te repères avec le ayat de sourate At-Tawbah. ومنهم من يلمزك بالصدقات. يعني le numéro du verset 58. Non. طيب قال طيب فالهمزة بالفعل يعني أنه يسخر من الناس بفعله إما أن يلوي وجهه أو يعبس بوجهه أو بالإشارة يشير إلى الشخص بالإشارة هذه كذلك c'est pas que avec le visage mais aussi avec l'échara si tu fais un signe comme ça dit ou lui il est devant toi. Il est devant toi maintenant, il ne te voit pas, tu es derrière lui. Et toi, tu chires les. Hada haram. Naam. Taïb. Maintenant, il y a un Unduru ilay. Li'u'iba. Tu fais un signe comme si tu disais regardez vers lui là. Pour se moquer de lui. Naam. Oh, ma ashbaha dhalika. فالهمزة يكون بالفعل واللمزة واللمز باللسان. Donc الهمزة بالفعل واللمز باللسان. الهمزة donc c'est avec l'action, peu importe qu'elle soit avec une action du visage ou une action du corps. واللمزة c'est avec la langue. نعم. Ça c'est valable même si on est entre amis, on est trois quatre. Après il le sait, tu vois c'est. شوف لا هذا على وجه الذنب يعني هذا على وجه الذنب استدير خصاصي دين مانيير وتتموك دلوي يعني ماذا ميشامو Maintenant, si, et maintenant, et si yani, c'est Houa Ya'ref, yani, celui qui est visé, il sait que c'est une plaisanterie entre vous ou la kada, ça ne rentre pas dans cette لكن الاجتناب من ذلك لأن الله سبحانه وتعالى نهى أن ماذا نختاب بين يعني بعضنا بعضا حتى بالمزاح تو ميم ان سموكان سي با بون دو الفير لكن هذا سي فريمون يعني تحريما بالغا ونعم نعم يعني ما هناك أي محبة بينك وبينه حتى وإن كان même s'il y avait l'amour entre toi et celui à qui tu fais de la médisance يعني ce que tu dis toi tu vises le mal de cette personne et lui il n'est pas au courant عرفت نعم mais et la médisance c'est vrai ça peut être aussi quelqu'un que quelque chose de bien sur lui mais qu'il n'aurait pas aimé qu'on le dise ou pas نعم نعم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم comme ça a été confirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a expliqué c'est quoi la médisance il a dit c'est un tazkura akhak bima yakrahu que tu évoques ton frère d'une manière que qu'il déteste et même si c'est un haq yani la yanbaghi dhalik illa li hajatin sauf pour un besoin مثلا tu vas dire oh fulan tu te rappelles celui qui est le grand là le tawil. Le fait que tu dises le grand, toi tu veux, يعني, tu veux informer une personne qui le recherche, مثلاً. Ou tu vas dire l'aveugle, celui qui est aveugle, ou celui qui a une balafre. عرفت كل هذا جاز. لكن بشروط أن تكون هناك حاجة. C'est-à-dire avec condition qu'il y ait un besoin. نعم. طيب. ثم قال وإما بقوله وهو اللماز وهذا كقوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم هماز يعني هماز أي أيوة طيب لكن هماز هنا هو لا لا بس هماز يعني تابع لأي كلمة سسوي كل كلمة كنا بي همزة نعم هماز مشائم بنميم طيب فالهماز بالفعل ومشائم بنميم بالقول يعني اللمزة نفس المعنى تقريبا عرفتم طيب ثم قال الذي جمع مالا وعدده هذه أيضا من أوصافه القبيحة جماع مناع c'est-à-dire ça aussi ça fait partie des caractéristiques de cette personne alors non seulement il médit avec ses actions et avec sa langue mais en plus il regroupe l'argent et il l'interdit aux gens c'est-à-dire il le dépense pas fi sabilillah ni aux pauvres ni à autres نعم فجماع منع c'est-à-dire il regroupe et en même temps il interdit son sa dispersion يعني le qui font des économies quoi les qui gardent tout pour eux voilà il fait des économies mais que pour lui يعني ما بخيل il est vraiment avare نعم طيب قال يجمع المال ويمنع العطاء c'est-à-dire il regroupe l'argent et il interdit son don. فهو بخيل لا يعطي يجمع المال ويعده وعدده وقيل نعم. Donc il est avare, il regroupe l'argent et il le compte. سبحان الله هذا مرض. والله هذا مرض. ابتلي. يعني مثلا واحد عنده كنز كبير. يذهب من الصباح إلى يعني صندوقه c'est-à-dire il arrive quelqu'un on va dire il a un trésor énorme il arrive au matin dans son coffre-fort et yallah il commence à compter et comment مثل هذا Il commence à compter, compte et compte. Une fois qu'il a terminé, yarji ila bayti. Il revient le soir. Il revient le soir, il compte. Yani ma fi naqs, ma fi shay, ma kull shay mawjoud, khalas. Yani ma yahtaj ilay wa la wa ya'rif annahu ma naqas, lakin marad. نعم نعم هذا هو أحسنت يا عيسى هذا كذلك يعني مما يذكر كما مر بنا ولا يحض على طعام المسكين أي لا يحث على الصدقة فلا لا يحث نفسه ولا غيره على الصدقة ما يعطي حتى الأقارب حتى الأم والأبناء هو كلها له حتى وإن لم يحتاج يحب أن يستمتع برؤية المال فهذا مرض مرض خبيث جدا donc ça c'est une vraie maladie طيب نعم هذا يعني شوف إذا ضعف التوكل على الله وقوي الاعتماد على الأسباب حصل من هذا الشيء يعني كبر أم صغر يعني que ça soit un peu ou beaucoup, une fois que la confiance en Allah, elle diminue, et la confiance sur les causes, elle augmente, khalas, bah, la personne, elle va aller tout droit vers ce genre de comportement avec l'argent. Iyadun billah. Jusqu'à dhanna anna hadha al-mal sayukhallidu. Jusqu'à ce qu'il a pensé que cet argent allait le rendre éternel. Iyadun billah. طيب قال وقيل معنى التعديد يعني الإحصاء يعني لشغفه بالمال كل مرة يذهب إلى الصندوق ويعيد donc il dit tellement il avait l'amour de l'argent à chaque fois il va dans son coffre-fort يلا بسم الله كم ويعيد يعني après il compte نعم قال ويعد الدراهم في الصندوق في الصباح وفي آخر النهار يعدها c'est-à-dire au matin il compte après il arrive au soir il compte mais il sait qu'il a donné à personne يعني ما ايش نقص ما نقص شيء انما tellement il aime son argent il aime voir son يعني يأتي كل يوم ويحسب هذا مرض خبيث جدا هذا الذي نسأل الله العافية من هذا المرض كالله أن يبخزغ في هذا المرض طيب وفي آخر النهار يعدها وهو يعرف أنه لم يأخذ منه شيئا ولم يضيف إليه شيئا لكن لشدة شغفه بالمال يتردد عليه ويعدده نعم Donc il sait qu'il a rien rajouté dans cet argent et il a rien enlevé. Mais juste par rapport à son amour pour cet argent, alors il fait des allers-retours, des va-et-vient vers son coffre-fort. نعم. وعند قوله عدده يعني أكثر تعدده لشدة شغفه ومحبته له يخشى أن يكون ناقصا أو يريد أن يطمئن Donc, yani, c'est comme on a évoqué, c'est-à-dire il compte son argent, soit parce qu'il a peur qu'il a eu un manque, qu'il y a quelque chose qui est parti, ou soit c'est pour s'apaiser yani, de cette vision. C'est-à-dire quand il voit son argent, il s'apaise. Iyadun billah. Naam. طيب, وعند قوله يحسب أن ما له أخلده يعني يظن هذا الرجل أن ما له سيخلده ويبقيه donc cet homme il pense que son argent va l'éterniser يعني dans ce bas monde et qu'il va rester en vie نعم إما بجسمه وإما بذكره هذه فائدة Il dit, soit il pense que cet argent-là, ça va le faire rester, soit dans son corps éternellement, c'est-à-dire il va être en vie éternellement, ou soit il pense que son rappel, de par cet argent-là, les gens ils vont se rappeler de lui éternellement. Naam. Fa lahul ma'nayayn. Donc ça sous-entend les deux sens. Wallahu a'lam alladhi 'indi anna hadha aqrab. يعني qu'il pense que son argent va éterniser son rappel chez les gens. Les gens ils vont se rappeler de sa richesse, ils vont tout. Naam. طيب لأن عمر الإنسان ليس ما بقي في الدنيا بل عمر الإنسان حقيقة ما يخلده بعد موته طيب ويكون ذكراه في قلوب الناس وعلى ألسنتهم donc en vérité l'âge de la personne c'est ce qui va rester éternellement après la mort. Ça, c'est Shirin al-Vitamine qui dit, en vérité, l'âge de la personne, c'est ce qui va rester éternellement après la mort. وَيَكُونُ ذِكْرَاهُ فِي قُلُوبِ النَّاسِ Et c'est le rappel qui va rester dans le cœur des gens. C'est son rappel qui va rester dans le cœur des gens. Et dans la langue. Et sur leur langue. وَفِعْلًا يَا إِخْوَةِ كَمْ نَذْكُرْ مِنْ إِخْوَانِنَا الَّذِينَ قتلوا أو ماتوا حتى بعد سنين عديدة ونحن ما زلنا نذكرهم بخير لمن كان على خير وبشر لمن كان أو من مات على الشر فنعم يعني هم ماتوا لكن ذكرهم ما زال باقية أو باقي نعم donc يعني combien de gens on a vu ou combien de gens ils nous ont quittés ils sont morts soit dans le khair, soit dans le bien, soit ils sont morts dans le mal. Ceux qui sont morts dans le bien, on ne cesse de les évoquer jusqu'à notre jour. Yani, on ne cesse de les évoquer en bien. Et ceux qui sont morts en mal, également. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne cesse de les évoquer en mal. C'est-à-dire, par exemple, si un chanteur, il meurt. Yani, la yawmina hadab, sa nadkuruhu bisou. Nadkuruhu bisou. لكن إذا واحد مات في طلب العلم وحفظ القرآن وحفظ شيء من السنة وقام بالدعوة وكذا فهلا سنذكره إلى إن شاء الله إلى ما شاء الله أن نذكره نعم فيعني ذكرى الشخص يبقى ولو بعد موته إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر نعم نعم يعني جعلني ذكرى حسنا عند الألسنة إلى قيام الساعة وما بعد ونعم حصل ذلك لنبي الله إبراهيم طيب قال فنعم فيقول في هذه الآية يحسب أن ما له أخلده أي أخلد ذكره أو أطال عمره. Donc, c'est-à-dire, il pense que son argent l'a rendu éternel, c'est-à-dire a rendu éternel son rappel ou son âge. وَالْأَمْرَ لَيْسَ كَذَلِكَ Alors que cela n'est pas ainsi. C'est-à-dire, cet argent-là ne l'a pas rendu éternel ni lui ni son rappel. فَإِنَّ أَهْلَ الْأَمْوَالِ إذا لم يعرفوا بالبذل وهذه فائدة وقاعدة أهل الأموال إذا لم يعرفوا بالبذل والكرم فإنهم يخلدون لكن بذكر السيء donc ceux qui ont de l'argent s'ils sont pas connus pour être des gens qui donnent s'ils sont pas connus pour être des gens qui donnent ils auront un rappel c'est-à-dire qui sera éternel mais ce ne sera pas un rappel qui sera dans le bien. C'est-à-dire, leur rappel, il sera encore présent, lakin, ce ne sera pas un rappel jayid. Bel, ce sera un rappel mauvais. فَيُقَالُوا أَبْخَلَ مِنْ فُلَانِ C'est-à-dire, après, les gens, ils vont le prendre en exemple, maintenant. Ils vont dire, celui-là, il est plus avare qu'un tel. puis avoir qu'un tel. خلاص صار على الألسنة يعني ضرب المثال. يعني ça va devenir un exemple dans l'avarice مثلا. Jusqu'à on va évoquer son nom pour dire oh, Fulan il est plus avare qu'un tel. Fulan il est plus avare qu'un tel. نعم. طيب وأبخل من فلان ويذكر في المجالس ويعاب. Et il sera évoqué dans des assises et il sera blâmé ou on se moquera de lui. نعم. وهذا بعد موته. طيب وعند قوله لا ينبذن. هناك سؤال لا ينبذن. الله سبحانه وتعالى selon le sens de approximatif de ce verset comme on a vu la yumbadan ma معنى jeté. نعم. C'est quoi qui va être jeté? هو وماله. هو وماله وله فقط. هو مع أعماله. هو مع أعماله. مع أعماله. مثل ما قال أخونا عبد الكريم مع ماله. لأن الله غني على ذلك. أي. Et son argent non? Sans son argent. Moi je pense avec son argent. Avec son argent? Le pote, je pense qu'ils adorent leur dignité, ils adorent avec leur dignité. نعم. Ceux qui aimaient leurs fans, ils vont rouler avec leurs fans. نعم. En fonction de. نعم. لأن كما قال عبد الكريم الله غني عن هذا الشيء حتى سواء كان ذهب أو فضة أو شيء كبير في مقدار الناس فالله سبحانه وتعالى غني عن هذا وعلى سبيل المثال ليس معنى أن هذا عذاب للمال ما المال خلاص يعني قام بما أمر الله له وخلاص صار بعدين عدم عرفتم. Et ça c'est pas un châtiment quand on dit qu'ils sont précipités lui et son argent dans le feu, c'est pas un châtiment. L'enfer c'est pas un châtiment pour le feu, pour l'argent. L'argent c'est quelque chose voilà qu'Allah il a créé. Il a été avec son détenteur pendant un temps. Khalas, ba'den il va redevenir Adam. Mais il va en enfer et c'est pas un châtiment pour lui. Kamithla ash-shams wal qamar. الشمس والقمر نهايتهما النار. La fin du shams qu'on voit là jour après jour, sa fin c'est le feu de l'enfer. وكذلك للقمر. Mais c'est pas un adab pour eux. C'est la fin de leur mission. خلاص. نعم. Vous voyez, c'est par rapport à ceux qui adoraient la lune ou le soleil. Et du coup, ils vont brûler avec les divinités. صحيح لكن الشمس والقمر يعني مخلوقتان من ضمن عباد الله عز وجل. Elles font partie des adorateurs d'Allah عز وجل. يعني le soleil il ne se lève pas un jour qui passe sans qu'il demande la permission d'Allah عز وجل pour qu'il se lève من المشرق. نعم. وإذا يعني قامت وارتفعت من المغرب صار إيش تنتفي كل شيء. ما من أحد هنا بعد ذلك يقول أنا مؤمن أنا آمن بالله أؤمن بالله خلاص انتهى الموضوع ولا يقبل التوبة لأن بعدين هذا الآية يعرف القاسي والداني والكافر والمشرك والوثني وجميع أهل الملل يعرفون أن هذا ما يستر إلا من قدرة الله عز وجل عرفت؟ فلما سيرون هذا كل من في الأرض سيؤمن بالله كل من في الأرض سيؤمن بالله لكن ما سينفعهم ذلك تضر mais ceci ne leur sera pas utile. نعم. طيب قال إذن قال شيخ الأثيمين كلاهما ينبذ. Donc les deux ils vont être jetés dans le feu de l'enfer. L'argent et son détenteur. N'am. وعند قوله وما أدراك ما الحطمة هذه صيغة هذه صيغة للتعظيم والتفخيم. دوك كونت الله سبحانه وتعالى وما أدراك كذا وكذا وما أدراك كذا وكذا هذا سي بوغ إليفي لا شوز سي مانيير دو مونتري لامبورتونس دو سيت شوز وما أدراك ما الحطمة اي كي تو مونتغرا كي تو ديرا كيسك الحطمة. نعم. وهي نار الله الموقدة. وهذه فائدة جميلة. نار الله الموقدة. هذه فائدة لابد أن تحفظوها. يعني هي نار الله الموقدة. وأضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه لأنه يعذب بها من يستحق العذاب. فهي عقوبة عدل وليست عقوبة ظلم. دونك الله سبحانه وتعالى il a attribué ce feu à sa propre personne. Donc on prend cela, le fait qu'il dit narullah, ça montre que ce feu là, c'est un feu qui est juste. Il va châtier mais avec justice. Il va châtier mais avec justice. Naam. Pourquoi on dit que ce feu il est juste? Comment on sait qu'il est juste? Parce que Allah c'est le plus juste des justes et il s'est attribué ce feu. Narullah al-muqada. Naam. فهذه فائدة جميلة. جميلة ما يعني ما رأيتها في غير هذا الكتاب. طيب قال أي نار يحرقه الله بها من يستحق أن يعذب بها. دونك الله سبحانه وتعالى يعني c'est un feu par lequel Allah سبحانه وتعالى va brûler toute personne qui mérite d'être châtiée par ce feu. إذن هي نار عدل وليست نار ظلم. Donc c'est un feu plein de justice et non un feu injuste. Et non un feu injuste. لأن الإحراق بالنار قد يكون ظلما وقد يكون عدلا. Car le fait de brûler avec le feu, ça peut être tantôt considéré comme de l'injustice, mais tantôt ça peut être considéré comme de la justice. طيب إذا احرقنا يعني رجلا سواء كان كافرا او هل هذا يجوز؟ حرام. فلهذا ما تقوم الخوارج في العراق وفي سوريا وفي أي مكان من أعظم يعني من أعظم وأشد المظالم أشد المظالم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بحد يعني كما ثبت عنه أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. Personne ne doit châtier par le feu si ce n'est le Seigneur du feu, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal. فهذا حرام وهذا يدلكم على شدة انحرافهم في الاتباع. Ça vous montre encore vraiment qu'ils sont vraiment loin du suivi du prophète عليه الصلاة والسلام. وأنهم ضلال من ضم الفرق الضالة qui font partie des sectes égarées. نعم. طيب طيب فقال فتعذيب الكافرين في النار لا شك أنه عدل وأنه يثنى به على رب العزة أو على الرب عز وجل حيث عامل هؤلاء بما يستحقون. Donc le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ait châti les mécréants par le feu, nous on doit savoir que c'est une chose juste. Et ce n'est en aucun cas une injustice. Et on doit remercier, c'est-à-dire on doit louer Allah et faire son éloge de par cela. Alors le fait qu'il va brûler les mécréants, ça c'est une chose par laquelle on fait l'éloge d'Allah Azza wa Jal. وطبعا انظروا الى قوه هؤلاء العلماء يعني يتكلمون يجهرون باشياء في كتبهم ايش يعني انظروا يعني ثبات العالم هذا الشيخ العثيمين يتكلم بهذا الكلام أنه يثني به on devrait louer Allah عز وجل et faire son éloge par ce châtiment qu'il va accorder au kuffar. نعم c'est ça يعني حسن الاعتقاد وحسن الثبات والولاء والبراء الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء لأعداء الله وأعداء الرسل وأعداء المؤمنين نعم وإلى هنا وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك إن شاء الله بقية الفوائد غدا أو بعد نعم بعد غد